D-O-N-T-C-H-A-M-A-S-S, tu sais. 1-9-9-9. La Winchester flingue, le microphone tue. Au mic, un soupçon de lust, une pincée de charme. Quand je lis mes exploits et en verse une larme. Les mecs, c'est lent, en excès, je viens verser. Pour percer dans l'excès de verre, dans chaque verset. L'outil de pincée, quand je pose, c'est instantané. À l'instant, c'est d'instinct que mes faces tantanées. Je crée mon lust trément. Je m'aimant, cite m'aimant, lexique pour nuire aux excréments. Faut se méfier des guépiers, vous qui aimez pieds. Mes phases ou mes pieds, mais finirez à mes pieds. Ils deviennent aliénés, ils savent qu'une étoile est née. Donc des talentueux, sois pas haineux, même si c'est toi l'aîné. Tu es au top 6, une seule rime est en écope 6. Pour le hip-hop, la vipère, le parfait synopsis. Ici les vrais sévices, wack, prends ton chapelet. Au mic, un trio vise, les phases ont ponctué. Ici les faux sévices, maintenant tu sais qui appeler. Si la Winchester flingue, le microphone tue. Ici les vrais sévices, wack, prends ton chapelet. Au mic, un trio vise, les phases ont ponctué. Ici les faux sévices, maintenant tu sais qui appeler. Si la Winchester flingue, le microphone tue. Sors le reste, ma furie tue l'homme. Les wacks sont apeurés, écœurés de voir mon curriculum. Mon nom est clamé, masse, les jeunes comme Zelda. Panel d'as, au mic mon flow qui colle comme du gel d'ax. Action, lyrique, sérection, donc mes recs sont. Jacques tes gesticules et laisse tes cales, les mecs sont. Lush, lush, loutex sont et autres, mes autres brillent. J'embraye la cinquième passe, ouais ouais, quand les autres braillent. Au mic j'prie comme AB, le Nesby m'incite comme. Crack mes CC de ma BC comme AB Silicon. A flow l'un, pide d'un geste, j'braque la poster. J'vois rouge comme Raskam, ta race scanne. Même mon poster, reste tu prises le raptus, vise mon raptu. Hey petit, à petit feu, mon aptitude, tue ton cerveau obtus. Ceci a pour objet le kiff, mes objectifs. Une race qui abjecte et éjecte ce type d'adjectif. Ici les vrais sévices, wack, prends ton chapelet. Au mic, un trio vise, les phases ont ponctué. Et si les faux sévices, maintenant tu sais qui appeler. Si la Winchester flingue, le microphone tue. Ici les vrais sévices, wack, prends ton chapelet. Au mic, un trio vise. Les phases ont ponctué. Et si les faux sévices, maintenant tu sais qui appeler. Si la Winchester flingue, le microphone tue. Si j'épose l'empreinte de mes poings sur tes paupières, emprunte une compresse et presse ton arcade sourcilière. J'amorce, pose des doses de bombes, pose des doses de prosmosmos. Alias Mojas qui cause l'astrose martiale. Alias Maslas, des rescapés. Pour sortir de la masse des limaces, j'ai dû escalper. La sueur a coulé de mon front, mon col en est acheté. Même si je tape de front sur mon polo, ton sang attaché, caché. J'ai bossé, fâché, caché dans les tranches. Aujourd'hui sera découvert, les MC en sont tranchés. En un coup, comme sur le microphone, comme on t'a dit. Aïe, mes faces, je suis spawné par les gars du FBI. En impro, j'ai peur pas, par mes sourcils froncés. Certains tout bas flippent des jambes, voyant MC foncer. Si c'est 16, mesure ton saoulé, ton rendu if. C'est que D-O-N-T-C-H, a tu en style libre. Si les vrais sévices, wack, prends ton chapelet. Au mic, un trio vise, les phases ont ponctué. Si les faux sévices, maintenant tu sais qui appeler. Si la Winchester flingue, le microphone tue. Si les vrais sévices, wack, prends ton chapelet. Au mic, un trio vise, les phases ont ponctué. Si les faux sévices, maintenant tu sais qui appeler. Si la Winchester flingue, le microphone tue. 1-1-1-9-9-9-M-A-S-S, la vipère D-O-N-T-C-H-A. Yo, 16 mesures, mesure 16, pas 3. Aïe.